Oh ben, je sais pas si on peut partir. Vas-y, démarre, moi j'embraye derrière. Sol dièse, il me gêne. Dirty, I don't like a G. Marc. It's good. Taper flamenca là. It's better. Thank you. est facile de trouver quelque chose là-dessus. Thank you. Salut Titi. Ouais.